Maintenant, là, ils ont vu à les secteurs, tel secteur, telle région, ils ont coupé les termes, par le département. Oui. Donc, il y a le chef de région, il y a le chef de secteur. Il y a beaucoup. Mmh. Il y a autant qu'il y en avait pas. Okay. Donc, avant, il y a la situation, on veut parler de ces choses-là, vrai. Mmh. Ok. Un cas particulier, oui. Comme le frère disait que c'est mon enfant. Oui. Et. Bah, je suis au niveau du titre de pasteur que ton enfant a, parce que vous l'appelez pasteur. Mmh. Parce que ça, quand il regarde dans l'esprit, c'est une autre chose que je vois. C'est pour ça que je suis en train de me questionner ce titre de pasteur que vous lui connaissez. Donc. Ce titre pasteur que nous le connaissons, n'est-ce pas? Mmh. Je viens à te dire ça, que nous étions sous la protocole de la domination de la vie de Dieu. Et c'est en ce temps-là qu'il a hérité de ça. Parce qu'il y a des anciens, il y a des pasteurs, il y a des ceci, il y a des ceci. Oui. Donc il est dans le rang qu'il serve comme pasteur. Mmh. De ressortir avec ce grade-là, oui. Il est en rang. Et nous ici, sa localité qui il a cru ici, mm-hmm. celui-ci aussi, ce sont des frères qui ont cru ici. Mm-hmm. Ils partent de faire l'œuvre de pastoral dans les églises. Mm-hmm. Mais nous ici, comme l'église, l'église mm-hmm. des naissants, mm-hmm. hein, oui. on ne peut pas contrôler tout ce qu'ils sont en train de faire. Mm-hmm. C'est à moins que quand quelqu'un revient ici, dans la localité du Jélé, il ne veut pas ceci, on peut... Mmh. Mais en tant que quelqu'un qui l'a engendré, qui l'a vu naître, qui l'a vu grandir spirituellement, est-ce que tu reconnais en lui le ministère pastoral? Mais je n'ai pas reconnu le ministère pastoral en lui. Mmh. Jamais en aucun cas. Mais pourquoi tu l'appelles donc pasteur alors? Mais le nom pasteur, on peut m'appeler pasteur. Je vais parler. Oui, ok. Je vais parler. Ok. Quand je parle, c'est un ami. Mmh. Nous avons grandi ensemble. Mmh. Et j'ai cru. Mmh. Et je l'ai aussi amené à l'évangile. Mmh. J'ai dit que j'ai trouvé une bonne chose. Mmh. On s'est engagé ensemble. Mmh. À un certain temps, il me dit qu'il est arrivé. Mmh. Il est en train de berger. Mmh. Je dis non, Tchoubou, on vient de donner notre vie au Seigneur. Mmh. Donc, sois d'abord que sauve toi-même d'abord. Mmh. Ne sois pas pressé. Mmh. Il ne m'a pas écouté. Donc, il dit qu'il est appelé. Mmh. Donc, selon la tradition de la vraie Église de Dieu, quand tu dis que tu as appelé, donc, il y a la formation, on te récupère. Mmh. Ce n'est pas qu'on te laisse avec l'Assemblée, on te récupère. Oui. Donc, il est allé ailleurs alors en formation. Et comme il venait de dire à l'Agdo, s'est formé là-bas. Donc, c'est de là-bas, alors on va t'affecter. Mmh. Ce n'est pas qu'on, à un poste. Un poste, ce n'est pas que il est engendré ici, le frère lui a donné le titre de pasteur. De pasteur. Mmh. Donc c'est ces gens qui ont octroyé cela. Qui l'ont affecté. Mmh. Donc il était même affecté deux fois. Mmh. Et ça n'a pas donné. Il est donc venu rester dans. Donc l'a affecté, il a refusé de partir. Et il est allé, ça n'a pas allé deux fois. Oui. En ce temps, il était marié. Oui. Donc ça n'a pas allé, ça n'a pas allé. Il est revenu donc rester dans l'église locale. En ce temps-là, il était marié avec la femme dont on parle là. Hein. Celle qui est fracturée là. Elle est mariée le 2 novembre 2002. Ok. Allez à la formation là-bas, tu n'étais pas encore marié. Ok. Mm-hmm. Donc le nom de pasteur, ce n'est pas nous, c'est lui. Mm-hmm. Qui s'est dit qu'il est pasteur, il est arrivé, il est pasteur. Mm-hmm. Donc personne lui a donné le nom pasteur. Ok. Mm-hmm. Il dit ceci parce que ce n'est pas son appel ici. Cet appel n'est pas donné, pas un appel divin. Cette appellation-ci, c'est pas divin. C'est-à-dire que vous dites, je suis dans telle charge, mais spirituellement, ce n'est pas votre place. Ça, non, ça pose problème. Ça, c'est quelque chose que vient lui parler, même seul à seul. Parce qu'il faut qu'il lui dise exactement c'est à quoi il a été appelé à faire. D'accord? Parce que quand il prie pour lui, c'est pas ce qu'il a regardé. Mais il y a ce problème, c'est qu'il faut que ça soit résolu. Parce que ceci, dans le cœur de l'ancien, il y a une déception vis-à-vis de lui. C'est la déception qui cause cela et ça pousse au niveau de l'amertume. Même si elle n'est pas, même si elle pardonne pas, comme il y a toujours la griffe et la cicatrice là-bas. Il faut que ceci également guérisse. Parce que c'est votre frère. On ne peut pas le jeter. C'est votre frère. Les erreurs, il tente de le voir ici. Pendant qu'il tente de prêcher là-bas, il a dit qu'il a pardonné cet adultère. Il tente de regarder de quoi est-ce qu'il est question. Donc quand Dieu pardonne, on ne peut pas jeter la pierre. Personne ne peut jeter la pierre. Oui. Oui, Dieu pardonne. Dieu nous a pardonné. Personne n'est juste. Oui. Dieu, dans sa parole, la parole de Dieu nous dit marcher dans la sainteté et dans la purification. Mmh. Pour faire un exemple, quand disque, je l'ai aimé tellement dans mon esprit. Mmh.